Bonsoir chers auditeurs de Vibration. C'est dimanche, il est 21h, et bien toutes les conditions sont réunies pour que Milky Waves débute. Milky Waves, votre émission de musique électronique avec ce soir Laura Faux-Micro comme d'habitude et Nico Parisi au platine. Pour cet épisode 15, Nico nous a sélectionné en premier morceau York Murcus. Il l'avait sélectionné il y a 2 mois, mais en Inkfish Remix. Et maintenant, c'est le mix original de Aude Caso. On écoute ça. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Nico Parisi. Thank you. C'était Eau de Caso de York Murcus. Et maintenant, on va retrouver le Deep Groove des Adana Twins, les frères jumeaux Adana, avec un titre qui ne veut rien dire du tout, apparemment. C'est Chiwagobi. On va voir ce que ça donne. c'était les Adana Twins avec Shiwagobi. Les Adana Twins, ils font les Adana Nights d'ailleurs, deux fois par mois au Ego Club de Hambourg. Beaucoup de succès. Vous écoutez toujours Milky Waves sur Vibration, vibration.fm ou 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons. Toujours en compagnie du Raph au micro et de Nico Parisi aux platines. Alors maintenant, la prochaine sélection de Nico Parisi, c'est Andrea Roma, accompagné de Leuzin ou Leuzin, je ne sais pas comment on dit, avec le titre Still Loving. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We'll be right back. Nous venons d'écouter Andrea Roma et Lezin ou Lezine avec interprétation de Martin Rutz pour Still Loving. On continue en ce dimanche soir avec les frères du Namalayan, Michael and Levan, originaires de Géorgie. Avec leur ami proche Steven Rivich, ils ont créé le label Mystic Music. Et ils nous viennent avec un titre qui s'appelle Invisible Children. Et je rajoute que c'est un Derek Howell et Fastkill Warm Mix. Voilà, je me tais et on écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Nous venons d'écouter Michael N. Levan et Steven Rivich pour Invisible Children. À suivre sur Milky Waves, White Reno et Ariel Ab pour Keep Rolling. C'était White Rhino et Ariel Ab avec Keep Rolling. À l'entame de cette deuxième moitié d'émission sur Milky Waves, Nico Parisi, toujours au platine, vous propose Moshik, l'Israélien. On a déjà eu l'occasion d'écouter dans notre émission. Cette fois-ci, il nous revient avec un des derniers morceaux de 2014, Do It To Me Now. Un original mix, c'est parti. We'll be right back. C'était l'excellent Moshik avec Do It To Me Now, original mix. Et maintenant on passe à Marcello Vasami avec le titre Blau. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Nico Parisi. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. subject myself to a little transcendental meditation, if you want. The trick is to imagine every little detail, anything to keep your mind off the fact that you're going to jail for a very long time. C'était Marcello Vasami avec Blow. Et maintenant, on passe au producteur espagnol de musique électronique, Joan Gamboa. Il tourne dans les festivals du monde entier. Il nous vient avec ce titre, Calici, un remix Martin Echegaray. On y va. Milky Way. venons d'écouter le producteur espagnol Joan Gamboa avec Alice, un remix Martin Echegaray. Et maintenant, on passe à Hernán Cataneo en compagnie de Sound Exile pour le titre Infoxication avec un F. Et c'est un remix Guy Mansour et Lonia. c'était Hernan Cataneo et Sound Exile pour Infoxication. Guimansu Elonia Remix. Il est déjà presque l'heure de nous quitter sur Milky Waves, et oui, on s'approche dangereusement des 22h. Alors, le dernier titre de la sélection de Nico Parisi, c'est Nico Parisi lui-même qui l'a composé en compagnie de Gay Barone, le DJ italien expérimenté. Ensemble, ils ont fait le titre Perla. Espérons que ce soit une perle. On écoute ça. Voilà, c'était Nico Parisi et Gay Barone pour Perla. Et c'était le dernier morceau de notre belle sélection de Nico Parisi. Avec toujours le Raph au micro sur Milky Waves, il est l'heure de nous quitter. Je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Ouais, bon, c'est pas très viril, mais c'est pas grave. On se retrouve dimanche prochain avec grand, grand, grand plaisir. Bye, bye.